Vie de Sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, par Monsieur de Villefort. Publié par Monsieur l'Abbé Migne, markemdanarchive.org, d'après le PDF de l'abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Livre 4e. Quoique la sainte continua toujours de marcher dans la voie des fondations pour les carmélites réformés, elle ne perdait pas de vue le dessein d'établir aussi des monastères de carmes, et ne laissait pas d'y travailler en chemin faisant. Un gentilhomme d'Avila, nommé Don Raphaël, à qui la sainte n'avait jamais parlé, ayant su qu'elle voulait fonder un monastère de carmes réformés, était venu, avant son départ pour Valladolid, lui offrir une maison qu'il avait dans un hameau d'environ 20 feux, où demeurait un receveur des biens qu'il possédait en ces quartiers-là. Thérèse n'eut pas une fort grande idée de cette même maison, mais ne laissa pas d'en louer Dieu et d'en remercier ce gentilhomme, et comme elle était sur le point d'aller à Médine pour se rendre ensuite à Valladolid, elle lui avait promis qu'elle la pourrait voir en passant. Elle était partie de grand matin avec une religieuse et Julien d'Avila, qui l'accompagnait dans tous ses voyages, mais ils s'égarèrent sur la route, et le lieu où ils allaient était si peu connu que personne ne pouvait le leur enseigner, en sorte qu'ils s'en trouvaient éloignés dans le temps qu'ils en croyaient être fort proches. C'était à la fin du mois de juin, et le soleil avait tant d'ardeur que Thérèse met cette journée au nombre de celles qui lui ont été les plus pénibles à passer. Enfin ils y arrivèrent un peu avant la nuit, et trouvèrent la maison si sale, à cause de la quantité de gens qui faisaient la moisson, que la sainte ne put s'y résoudre d'y coucher. Cette pauvre maison était isolée sans tenir au village, et située proche d'un petit ruisseau, dans une campagne exposée à la rigueur de tous les vents et aux ardeurs du soleil. Enfin ce n'était qu'un logis de paysans. Tout ce bel édifice consistait dans un porche, une chambre retranchée, un galetas et une petite cuisine. Thérèse, après avoir jeté les yeux sur tout cela, en imagina la distribution. Elle destina le porche pour une chapelle, le galetas pour un chœur et la chambre pour un dortoir. Sa compagne, qui la voyait faire tous ses partages, ne comprenait pas comment l'on en viendrait à l'exécution, et toute mortifiée qu'elle était, y trouvait des difficultés extrêmes. « En vérité, ma mère, dit-elle à Thérèse, quelque habile que vous soyez, vous n'en sauriez venir à bout, n'y pensez plus, je vous prie. » Mais cela ne la rebuta pas. En arrivant à Médine, elle fit au père Antoine un détail sincère de la construction du lieu qu'elle avait visité. Elle lui demanda s'il pourrait se résoudre à passer quelque temps à Durvel, Duruello, c'était l'endroit en question, et lui dit que c'était seulement pour commencer et que Dieu lèverait bientôt tous les obstacles. Ce père répondit qu'il était prêt d'y aller et de demeurer même, s'il le fallait, dans une étable. Il ne s'agissait plus que d'avoir la permission des deux provinciaux. Celui qui était en charge était un assez bon homme, et quoiqu'il n'eût guère d'inclination pour ses nouveaux établissements, Thérèse lui allégua tant de raisons pour le déterminer, qu'il se laissa persuader à son éloquence, qui en persuadait bien d'autres, et lui accorda ce qu'elle voulut. Pour son prédécesseur, comme il se trouva dans la nécessité d'avoir recours au crédit de Madame Marie de Mandos, pour d'autres affaires, cette dame s'en prévalut pour avoir son consentement. Thérèse, qui avait emmené avec elle à Valladolid le père Jean de la Croix, avait reconnu en lui tant de courage et tant de grâce, qu'elle crut qu'il le fallait envoyer à Durvel pour rendre l'habitation un peu plus logeable. Et elle lui donna, pour s'accompagner pour son service, un des manœuvres qui travaillait au monastère de Valladolid, où elle était alors. En cet endroit la sainte interrompt le cours de sa relation pour faire à ses enfants une exhortation vive contre la magnificence des édifices. Je vous conjure, leur dit, tel, mes sœurs, et vous mes pères, de demeurer toujours dans un grand détachement de ces maisons magnifiques et somptueuses, et d'avoir toujours devant les yeux ces saints fondateurs de notre ordre, qui sont nos pères, que nous savons être arrivés par la pauvreté et par l'humilité à la jouissance éternelle de la présence de Dieu. Le Père Jean de la Croix, à l'aspect d'une maison si dépourvue de toutes choses, ne fut ni surpris, ni découragé, comme il n'avait dans l'esprit que des idées de mortification et de pénitence. Il ne conçut point d'autre moyen d'orner son nouveau monastère que d'y mettre beaucoup de croix et de têtes de mort. Il demeura seul presque 2 mois dans ce petit réduit, parce que le père Antoine achevait à Medine les affaires qu'il y retenait, pour se démettre de sa charge de prieur. Tous les paysans et les laboureurs de la métairie étaient surpris de voir un habillement d'une figure si nouvelle et dont ils n'avaient rien vu de semblable ailleurs. Ils regardaient cet homme incomparable avec admiration, ils s'estimaient heureux quand ils pouvaient l'entretenir un moment, car il ne leur parlait que de la vie éternelle, et il y avait dans ses discours une douceur qui les charmait. Ces bonnes gens ne se lassaient point de visiter ce petit monastère et de fréquenter cette dévote chapelle. Les offices du cœur et la cloche attiraient ces gens rustiques, et l'exemple de cet homme rare les excitait à la piété. Chacun des habitants du village était si ravi du bonheur qui leur était arrivé, qu'ils s'en vantaient partout, et l'on ne parlait que du nouveau carme des chaussées, dont les peuples des environs respectaient la vertu. Cependant la sainte entretenait souvent le père Antoine pour voir s'il demeurerait ferme dans sa résolution, pour lui donner une pleine connaissance de la manière dont on vivait dans ces monastères, et pour l'instruire de tout ce qui lui semblait convenir, afin que les choses fussent bien fondées dès le commencement. Quelques jours avant que de le faire partir pour Durvel, elle lui demanda s'il avait eu soin de préparer les choses qui étaient les plus nécessaires en ce lieu-là. Il lui dit que oui, et qu'il avait plusieurs horloges de sable pour régler leur méditation. Thérèse ne put s'empêcher de sourire à cette réponse, quoiqu'elle fût néanmoins édifiée de voir que ce bon père faisait consister ses plus importantes provisions dans ses horloges. Le père Antoine partit et mena avec lui 2 religieux de son couvent de Médine qu'il avait excité à venir s'essayer pour la réforme. La lettre que Thérèse avait reçue à Valladolid était du père Hermandé, jésuite, qui avait assisté à la mort d'un riche bourgeois de Tolède, touché du désir de faire un pieux usage de ses biens, paraît qu'il ne laissait point d'enfants, ce père. Outre les relations d'amitié qu'il avait avec Thérèse, connaissait l'utilité de ses fondations nouvelles, de sorte qu'il avait inspiré au mourant d'appliquer à cette œuvre ses libéralités, mais la mort l'ayant surpris, il avait chargé un de ses parents d'exécuter sur cela ses bons desseins. Ce fut sur ses avis que la sainte partit pour Tolède, avec 2 religieuses qu'elle amenait d'Avila. Mais elle voulut voir sur sa route en quel état était cet établissement des Carmes, à Durvel. Elle y arriva le matin, et trouva le père Antoine qui balayait. Il était d'une famille noble, et avant que de se faire religieux il avait vécu dans le monde avec distinction, et avait aimé la gloire. Thérèse qui le trouva dans cet exercice, et qui remarqua sur son visage la joie et la tranquillité de son âme, lui dit en l'abordant, « Et quoi, mon père, où est donc l'honneur ? Point maudit soit le temps, dit-il, où j'en ai fait tant de cas. » La sainte entra dans la chapelle où respirait un air de piété et de recueillement qui la surprit. Tout y était dans la simplicité la plus parfaite, on n'y voyait de tous côtés que des croix et des têtes de mort. Le galta qui était au milieu du logis servait de cœur, et l'on pouvait y faire l'office, mais il fallait se baisser bien bas pour y entrer et pour y entendre la messe. Il y avait aux 2 côtés de la chapelle 2 petits ermitages, où l'on ne pouvait demeurer qu'assis ou couché tant ils étaient bas, Il y faisait si froid qu'il avait fallu y mettre quantité de foin. Ses bons pères n'avaient pour chevet que des pierres, des croix et des têtes de mort au-dessus. Depuis matin ils demeuraient en oraison, et lorsqu'il allait à prime, leurs habits, sans qu'ils s'en aperçussent, étaient fort souvent tout couverts de neige, parce que le toit avait des ouvertures qu'on n'avait pas eu soin de rétablir. Ils récitaient l'office avec les deux religieux mitigés qu'ils avaient amenés. Ils allaient prêcher dans les lieux d'alentour, qui manquaient d'instruction, et Thérèse dit que c'était pour cette raison qu'elle avait le plus souhaité leur établissement en ce lieu-là, très écarté de tout autre monastère et de tout autre secours spirituel. Ils allaient jusqu'à deux lieues faire leur prédication, marchant les pieds nus sur la neige et sur la glace, car ce ne fut que dans la suite qu'on les obligea d'avoir des sandales. Après avoir passé tout le jour à prêcher et à confesser, ils s'en retournaient sans avoir mangé, et sans que ce travail, tout pénible qu'il était, leur parut considérable. On leur apportait des lieux voisins de quoi vivre, plus qu'ils n'en avaient besoin, et des gentilshommes qui les avaient pris pour les confesser, leur offraient des maisons plus commodes et mieux situées. Thérèse dit qu'elle avait en sa compagnie deux marchands qui furent très touchés et très consolés du spectacle de pénitence qu'ils virent dans ce petit désert, et par leurs sentiments, ajoute-t-elle, on peut juger quel est le pouvoir de la vertu, puisqu'il estimait plus cette pauvreté que leur richesse. La sainte se rendit à Tolède le 24 de mars en l'année 1569, et alla loger chez la sœur du duc de Medina Celi, chez qui elle avait déjà demeuré 6 mois. Elle y était beaucoup aimée, et fut mise avec ses compagnes dans une chambre aussi commode qu'un monastère pour tous leurs exercices de piété. Le parent, chargé d'exécuter les dispositions du donateur, exigea d'elle, pour l'accomplissement de cette œuvre, beaucoup de conditions injustes. D'ailleurs, plusieurs personnes considérables se trouvaient maltraitées par ce testament, entre autres celui qui commandait dans la ville en l'absence de l'archevêque. Ainsi, la sainte ne put rien avancer pendant 2 mois, quoique l'affaire fût sollicitée par les gens les plus illustres. Elle souffrait avec peine ses retardements et ses obstacles, car il ne lui paraissait pas raisonnable de s'en aller sans avoir rien fait, mais elle sut bientôt le parti qu'elle avait à prendre. Quand on l'eut secrètement informé que le commandant n'était point dans les sentiments de ceux qui la traversaient, ayant interrompu tous ses autres soins, elle se transporta dans l'église la plus proche du palais de ce gouverneur, et l'envoya humblement prier de vouloir bien lui donner audience. Il vint la trouver lui-même où elle était, et alors avec un air ferme et libre, mais plein de douceur et de modestie, elle lui exposa ainsi ses raisons. Il était digne d'un homme que ses lumières, son rang et sa vertu rendent aussi grand que vous, de protéger une entreprise aussi glorieuse à Dieu qu'est la nôtre. Je suis venu ici pour le véritable intérêt de la ville, et il y a cependant 2 mois que j'y suis, sans avoir encore pu rien obtenir sur un si juste sujet. Il est sans doute bien rude à des filles qui font profession d'une vie austère, non seulement qu'on ne leur offre aucun secours, mais qu'elles trouvent même de l'opposition dans ceux qui sont les plus occupés de leur plaisir. Réfléchissez un peu, je vous prie, sur ce que vous aurez à répondre au tribunal de Jésus-Christ, car je ne vois pas quelle excuse y peut apporter un homme chargé de veiller au bien des peuples. Et à l'utilité commune, Thérèse dit ces paroles avec toute la force et toutes les grâces de son éloquence ordinaire. Le gouverneur en fut ému, aussi lui accorda-t-il la permission qu'elle demandait, quoique avec quelques restrictions, car il voulut que le monastère n'eût ni rente ni fondateur, mais la sainte ne laissa pas de regarder son ouvrage comme achevé. Quoiqu'elle n'eût pourtant alors que 4 ou 5 ducats pour toute richesse, ce n'était pas grand-chose, dit-elle, que Thérèse ait si peu d'argent, mais Dieu, Thérèse, et 4 ou 5 ducats, c'est beaucoup. Ainsi sans savoir où trouver de l'argent, ni sans penser à conserver ce peu qu'elle avait, elle en acheta 2 tableaux, et quelques meubles tous des plus simples, mais elle ne voyait pas par où s'y prendre pour avoir une maison. Lorsqu'elle était dans cet embarras, un religieux de Saint-François, d'une rare vertu, très particulièrement de ses amis, et qui souhaitait fort lui être utile, en partant de Tolède, lui envoya un jeune homme qu'il confessait, avec ordre d'offrir ses services à la sainte pour l'affaire de la fondation. Thérèse reçut son compliment avec honnêteté, mais il fit rire tous ceux qui étaient présents, car outre que ce jeune homme était fort pauvre, il paraissait n'avoir ni le crédit ni la prudence nécessaire pour conduire et pour presser un ouvrage de cette nature. Mais la sainte, par une sagesse plus éclairée, comprit que ce saint religieux ne lui aurait pas envoyé une personne inutile, et commença de mettre en fonction le jeune Andrade, c'était le nom qu'il portait. Elle le pria de lui chercher et de lui louer une maison. Bien des gens habiles jusqu'alors ne l'avaient pu faire, mais Andrade, dès le lendemain apporta à la sainte les clés d'une maison commode qu'il avait louée. Elle alla voir ce logement qui lui plut fort, et malgré les remontrances de ses amis, qui l'en détournaient, elle y fit porter ses meubles, qu'un enfant, dit-elle, aurait porté tous sans être beaucoup chargé. Aussi lorsqu'Andrade lui était venu dire que la maison était libre, et qu'elle pouvait y faire porter ses meubles, « Cela sera bientôt fait », lui répondit-elle, « car tout consiste dans une couverture et 2 paillasses. » Elle emprunta des ornements pour les saints mystères. Elle mena un menuisier à la maison pour y faire quelques accommodements. Afin de rendre solennel les exercices du monastère, elle porta une de ces sonnettes dont on se sert à la messe à l'élévation de l'hostie, car elle n'avait pas de plus grosse cloche. Sa troupe passa cette nuit sans dormir, aussi bien qu'elle, on ne trouva dans cette petite maison qu'une seule chambre qui pût être consacrée en chapelle. Enfin, le jour commençant à paraître, après que Thérèse, aidée de ses compagnes, eut fait tout préparer, elles ouvrirent la porte de la chapelle qui était bouchée avec des briques. Quelques femmes de la populace, couchées dans la maison voisine, se trouvèrent offensées de ce qu'on les éveillait si matin, et s'emportèrent avec beaucoup d'aigreur. Mais Thérèse sut les apaiser avec des paroles honnêtes et avec quelque argent qu'elle leur promit. Le père prieur des Carmes mitigés vint d'assez bonne heure pour dire la messe. Au son de la petite cloche, on assembla quelques personnes propres à être témoins à la prise de possession, qui fut le 14e du mois de mai de l'année 1569, et ce monastère fut encore établi sous le litre de Saint-Joseph. On peut s'imaginer combien la ville dut être surprise à la vue de cet événement. Déjà les esprits étaient effrayés par certaines prédictions qui leur annonçaient que ce jour-là même, la terre devait s'entrouvrir et engloutir toute la ville. Dans cette crainte, plusieurs personnes avaient pris la précaution de se confesser et de recevoir l'Eucharistie en viatique. Que devaient donc dire les habitants, lorsque bien loin d'être abîmés, comme ils le croyaient, ils virent cet édifice? Les uns en furent touchés de dévotion, et les autres émus de colère, mais entre tous les ennemis que Thérèse eut à combattre, ceux qui composaient le conseil de l'archevêque étaient les plus animés contre elle. Le gouverneur était absent, et n'avait pas donné par écrit la permission, de sorte qu'il regardait comme une hardiesse extrême, qu'une femme seule eût osé, malgré eux, entreprendre l'établissement d'un monastère, car en l'absence du gouverneur il réglait seul toute la police ecclésiastique, et s'était toujours opposé à la fondation. Ils reprirent la sainte avec de violentes menaces, mais elle répondit sans s'étonner, qu'elle n'avait commencé qu'avec une permission très expresse. Ils furent irrités de cette réponse, et lui dire qu'il voulait examiner ses pouvoirs, et que cependant il défendait qu'on célébrât la messe dans la nouvelle église. Cela dura quelques jours, jusqu'à ce que quelques personnes de considération les eussent portées à s'apaiser. Durant cet intervalle qu'elles allaient au dehors entendre la messe, un jour que Thérèse était dans une église, une femme perdit un de ses patins, elle se persuada qu'il avait été dérobé par la sainte, qu'elle vit dans un coin toute seule et enveloppée dans son manteau pour n'être pas connue. Cette femme prit l'autre patin qui lui restait, et se jetant sur Thérèse avec colère, elle lui en déchargea plusieurs coups sur la tête. Le choc était rude pour une personne faible et très infirme, mais Thérèse, quoique fort maltraitée, ne lui dit pas un mot, elle se conserva dans sa patience ordinaire, et se tournant seulement vers ses compagnes qui s'approchèrent, « Dieu bénisse, » dit elle, « cette bonne femme, j'avais déjà bien mal à la tête. » Après que le nouveau monastère ne fut plus inquiété par les officiers de l'archevêque, les religieuses y goûtèrent dans leur retrait toutes les consolations promises aux âmes fidèles et véritablement détachées. Et certainement elles avaient besoin d'être intérieurement soutenues, pour souffrir l'extrême pauvreté où elles étaient abandonnées, surtout la nuit que le froid les saisissait, car elles n'avaient pour se couvrir toutes, qu'une couverture, deux sacs et leurs habits, elles n'avaient ni bois, ni batterie de cuisine, ni autres meubles, et leur plus magnifique repas se réduisait les premiers jours à quelques petits poissons peu capables de les nourrir. Cependant elles étaient dans une joie qu'on ne pouvait exprimer, et se faisaient un plaisir de tout ce qui leur arrivait. Une nuit que Thérèse se sentit pressée par la rigueur du froid, elle demanda quelque chose à ses compagnes pour se mieux couvrir, mais en faisant toutes un éclat de rire, elles lui répliquèrent, « Quoi, vous avez sur vous, ma mère, tout ce qu'il y a de couverture dans la maison, et vous n'en avez pas encore assez ?» Lorsqu'elle racontait les aventures de ses voyages, elle avait coutume de rapporter cette réponse pour se réjouir, car ses peines n'ont jamais fait d'autre impression sur elle. Il ne laisse pas d'être étonnant que dans une ville aussi abondante en richesses que Tolède, où la sœur du duc de Médina s'y eût sans doute volontiers pourvu Thérèse de tout ce qui lui manquait, elle s'y soit néanmoins trouvée dans cette extrême indigence, car comment cette dame si opulente, si libérale, et si remplie d'affection pour la sainte, put-elle ne pas penser qu'elle endurait le froid et la faim? Mais il faut regarder cet événement comme une conduite de Dieu, qui voulut éprouver la foi de ses ferventes religieuses. Elles portèrent cet état de privation avec tant de paix, que lorsque les aumônes vinrent dans la suite les tirer de leur pauvreté, elles s'en affligèrent sincèrement. Surtout Thérèse, que Dieu prit soin pendant ces jours d'épreuve de nourrir intérieurement des plus solides consolations de la grâce. Le parent de ce bourgeois décédé les secourut amplement dans leur indigence, il reprit le dessein de sa fondation, et s'appliqua de nouveau si efficacement à y travailler, qu'il parut à Thérèse qu'elle lui devait permettre de choisir pour le tombeau de ses descendants la plus grande chapelle de l'église qu'il leur voulait faire bâtir. Plusieurs des amis de la sainte s'y opposaient, et disaient que dans une ville aussi importante que Tolède, il ne fallait pas faire à un homme d'une condition médiocre le même honneur qu'on aurait fait à des gens de la première distinction. Mais Jésus-Christ, dans la prière, reprit Thérèse de s'être rendue trop complaisante à ses considérations humaines, de sorte qu'elle ne s'y arrêta plus, et l'événement fit connaître qu'elle avait bien fait, car cet homme les pourvut de beaucoup de riches ornements, leur fonda plusieurs messes, et leur acheta une grande maison qui coûta 12 000 ducats. Dès que le nouveau monastère fut en état, Thérèse y conduisit ses religieuses, que la même ferveur et le même détachement soutenaient toujours. Il y avait à Tolède une fille qui vivait publiquement dans une grande dévotion, Elle aimait fort à entendre les sermons, et à se trouver à toutes les stations de la ville. Il lui prit envie d'être carmélite, et elle vint trouver notre sainte, qui d'abord fut assez contente de son esprit, de sa santé et de ses désirs, de sorte qu'elle consentit à la recevoir. Son entrée fut fixée à un certain jour, et la veille elle vint au couvent rendre une visite. Quand elle prit congé de Thérèse jusqu'au lendemain, « Ma mère, dit-elle, j'apporterai aussi une Bible que j'ai. Une Bible, ma fille, lui dit aussitôt la sainte, non, ne venez point, nous n'avons pas besoin de vous ni de votre Bible, nous sommes de pauvres ignorantes qui ne savons que filer, et faire ce qu'on nous ordonne. » Thérèse avait tout d'un coup discerné par cette parole, qu'elle n'était pas propre pour son monastère. Elle soupçonna qu'elle était causeuse et curieuse, ce qui ne convenait pas à des carmélites. Les suites firent juger que Thérèse avait bien pensé, car cette fille s'associa peu de temps après avec d'autres dévotes qui firent tant d'extravagances, qu'elles en furent punies par l'Inquisition. Cependant, cette fille avait surpris le discernement de plusieurs personnes qui l'avaient crue tout autre qu'elle n'était, mais Thérèse, qui savait combien le cœur humain a de replis, ne se fiait pas tout d'un coup aux apparences. Un jour, en écrivant à un de ses religieux, « Je n'ai pu, lui dit-elle, m'empêcher de rire, quand j'ai vu dans votre lettre que vous vous faisiez fort de connaître cette fille, seulement à la voir. Hélas mon père, les femmes ne sont pas si faciles à connaître que vous pensez, puisque leur confesseur même, après les avoir pratiquées longtemps, sont souvent fort surpris de les avoir si peu connues. L'austère régularité du monastère nouveau se perfectionnait admirablement de jour en jour, et l'obéissance s'y gardait tellement à la lettre, que les supérieurs étaient obligés de veiller prudemment sur ce qu'elles exigeaient de leurs religieuses, car le moindre signe était aussitôt pris si sérieusement, qu'un jour la communauté se trouvant près d'un fossé plein d'eau, la prieure dit en riant à une de ses filles pour l'éprouver, « Vous jetteriez-vous là-dedans si je vous le disais ?» La religieuse y fut plongée si promptement, qu'après qu'on l'eût retirée, il fallut changer tous ses habits. Thérèse demeura près d'un an deux fois à Tolède, où elle n'oublia rien pour donner la dernière forme à cet établissement. Les 15 derniers jours avant la Pentecôte, elle les y employa à plusieurs réparations nécessaires pour l'exactitude de la discipline et le bon ordre de la maison. Tout fut achevé la veille de la fête, mais elle fut fort lasse et fort fatiguée d'avoir passé ce temps avec un grand nombre d'ouvriers. Le lendemain, comme elle était au réfectoire avec les sœurs, et que délivrée de ses ennuyeuses occupations, elle était si consolée, qu'elle ne pouvait manger, on entendit frapper rudement à la porte, et on lui amena un courrier de la part de la princesse d'Eboli, qui la priait instamment de partir aussitôt pour venir fonder un monastère à Pastrane. Thérèse, qui jouissait en paix des fruits de son ouvrage, reçut avec chagrin cette lettre, qui lui parut hors de saison, car l'établissement de Tolède, encore nouveau, semblait exiger sa présence. Cependant la chose pressait, le prince Ruigomé, mari de cette princesse, était favori du roi, et il fallait l'engager dans ses intérêts, afin que par son crédit il lui attirât la protection du souverain dans les différentes contrariétés qui menaçaient souvent ses saintes entreprises. Elle consulta l'oracle, c'est-à-dire, elle s'adressa dans sa prière à Jésus-Christ, qui lui fit entendre qu'elle devait partir, parce qu'elle était nécessaire en ce lieu pour des affaires qui lui étaient alors inconnues, et il lui fut inspiré de porter avec elle ses constitutions et sa règle. Elle voulut encore avoir l'avis de son confesseur, sans lui rien dire de sa révélation. Il lui conseilla le voyage, et elle partit le lendemain de la Pentecôte, le 30e mai de l'année 1569. Les suites ont fait voir que quand Dieu lui inspira de se mettre en chemin pour Pastrane, il avait en vue des choses plus importantes que l'établissement d'un couvent de carmélites. Elle passa par Madrid, et vint descendre, selon sa coutume, chez Madame de Mascareña, dont la maison tenait au couvent des religieuses de Saint-François, qu'elle avait fondé. Cette dame avait alors chez elle un ermite fort respecté à la cour, et à qui elle avait donné une chambre écartée dans son palais. Elle dit à Thérèse qu'elle ne pouvait arriver plus à propos, et qu'elle voulait lui faire voir un homme d'une éminente vertu et d'un rare mérite, qui souhaitait fort de la connaître, et dont elle serait très contente. Ce grand serviteur de Dieu eut trop de relations avec Thérèse, et fit une figure trop considérable dans son ordre, pour n'en pas dire quelque chose. Ambroise Marian était né à Bironte, ville du royaume de Naples. Il étudia les lettres humaines et la jurisprudence, et on l'appliqua à la lecture des livres saints. Il fit de si grands progrès dans toutes ses connaissances, qu'il mérita le titre de docteur dans l'une et l'autre faculté. Deux avaient beaucoup de vivacité d'esprit, et de la pénétration sur toutes sortes de choses, et il réussit merveilleusement toutes les sciences où il s'attacha. Ce fut particulièrement dans l'étude de l'éloquence et de la poésie latine que parut la beauté de son génie. Il aimait fort les mathématiques, et se rendit un excellent géomètre. Jacques Boncompagny, qui fut dans la suite élu pape, et appelé Grégoire XIII, étudia avec ce jeune napolitain, et depuis qu'il fut élevé sur la chaire pontificale, il conserva toujours pour Ambroise la même amitié qui les avait unis durant leur jeunesse. Deux fut député au concile de Trente, en considération de ses mérites, et quoiqu'il parût beaucoup dans cette assemblée, par sa piété et par sa doctrine, il se fit encore néanmoins plus admiré par sa prudence et par son habileté dans le maniement des affaires les plus épineuses. Le concile, qui reconnut ses talents extraordinaires, le chargea d'une importante négociation pour les intérêts de l'Église dans la Flandre et dans l'Allemagne, et dans d'autres États du Nord. Il réussit parfaitement dans cet emploi, et chacun fut content de sa négociation. La reine de Pologne, qui remarqua son mérite, voulut le prendre pour son conseil. Ambroise ne put la refuser, et accepta la charge d'intendant de sa maison qu'elle lui donna. Cependant le monde avait peu d'attrait pour lui, et Dieu qui voulait le détacher de la cour et le retirer du siècle, lui inspira de faire vœu de chasteté, afin de ne se pouvoir engager dans le mariage. Il se fit chevalier de Malte, et eut bientôt une commanderie de cet ordre, et cela lui fit prendre la résolution de choisir la profession des armes. Il suivit à la guerre le roi Philippe II, qui l'honora de sa confiance, et eut souvent recours à ses conseils, dont il eut sujet d'être fort content. Pour lui rendre le monde encore plus désagréable, Dieu permit qu'on l'accusât d'avoir assassiné un homme de qualité, quoiqu'il en fût très innocent. Il se trouva deux faux témoins qui déposèrent contre lui, et le chargèrent de les avoir sollicités de commettre avec lui cet assassinat. Ambroise fut arrêté, et mis dans une étroite prison où il eut beaucoup à souffrir, et où sa réputation reçut de violentes atteintes. Durant cette captivité, il eut le loisir de faire beaucoup de réflexions utiles sur le néant des choses humaines, et prit tout à fait la résolution de quitter entièrement le monde dès que le Seigneur aurait fait connaître son innocence, dont il le priait instamment de découvrir la vérité. Les témoins ayant été interrogés, se coupèrent, et Ambroise, qui n'avait rien voulu entreprendre pour sa justification, sollicita dans la suite fortement, et dépensa même beaucoup pour faire éviter la mort à ces misérables, et à celui qui les avait suscités. Dès qu'Ambroise fut élargi, le dessein de renoncer au siècle le pressant toujours, il examina le parti qu'il avait à prendre, afin de ne rien faire imprudemment. Cependant le roi, qui connaissait tous ses talents, lui donna commission de se transporter à Cordoue pour y voir comment on pourrait rendre navigable, depuis là jusqu'à Séville, la rivière de Guadalquivir. Il obéit aux ordres du roi, et après s'être acquitté de sa commission, il se retira chez les pères jésuites de Cordoue pour y faire les exercices spirituels. Cette retraite lui donna de nouvelles lumières et de nouveaux désirs pour la solitude, mais il ne savait encore de quel côté se déterminer. Un jour qu'il regardait par la fenêtre de la chambre où il faisait sa retraite, il aperçut un ermite fort vénérable, habillé très austèrement, qui entrait dans l'église de ses pères. Il l'envoya supplier de monter à sa chambre pour lui parler. Ce saint homme vint l'y trouver, c'était le supérieur des ermites du Tardon, célèbre par sa sainteté. Ambroise l'interrogea beaucoup, et lui ayant fait faire le récit de la manière dont on vivait dans sa solitude, il en approuva les exercices, et résolut de visiter cet ermitage pour en examiner plus particulièrement toutes les observances. Dès qu'il fut sorti de sa retraite, il se rendit au désert de Tardon. Il fut touché vivement de tant d'exemples de vertu qui le frappèrent, et témoigna tant d'ardeur de se voir au nombre de ces saints ermites, qu'ils lui donnèrent leur habit en 1562. Comme on faisait en cette maison profession d'une pauvreté très rigoureuse, et que chacun s'entretenait du travail de ses mains, le novice fut obligé d'apprendre un métier pour gagner sa vie comme les autres. Et pour se mortifier et s'humilier encore davantage, il choisit d'apprendre à filer par l'opposition qu'il y avait de cet exercice à celui des armes. Après qu'il s'était acquitté soigneusement de tous les devoirs de la communauté, il employait le reste du temps en oraison, et y passait ordinairement 4 heures. La nuit il faisait des pénitences excessives, et se nourrissait si frugalement, que sa vie n'était qu'une abstinence continuelle. Il avait tellement éteint tout l'éclat de sa naissance et de son esprit, qu'il semblait être un pauvre ignorant, et il avait si absolument méprisé la sagesse et la délicatesse du monde, qu'il s'estimait très heureux de s'asseoir au pied du bon frère Matthieu son supérieur, et d'en écouter attentivement les discours simples, et les exhortations familières. Il rencontra dans cette communauté, un ermite italien, nommé frère Jean de la Misère, avec lequel il avait autrefois demeuré durant sa jeunesse. Ce saint homme avait beaucoup de ferveur et de simplicité, et une si douce conversation, qu'on ne pouvait s'entretenir avec lui sans ressentir les charmes de sa vertu. Ces deux amis eurent beaucoup de joie de renouveler leurs connaissances, et bénirent les ordres secrets de la providence divine de les avoir rassemblés dans ce port de salut, et mis tous deux sous le même habit. Ambroise se trouvant obligé d'aller à Palme visiter son valet malade qu'il avait mis dans l'hôpital, il pria le frère Jean de l'accompagner en cette visite. Quand ils furent arrivés, le malade dit en secret à Ambroise qu'il avait en son pouvoir une perle d'un grand prix, qu'un serviteur du secrétaire de la reine avait dérobée, et qu'il la trouverait enveloppée dans un papier en un certain trou de son ermitage. Après qu'Ambroise eut assisté et consolé son malade du mieux qu'il put, il retourna dans sa cellule, où il trouva la perle qu'il alla présenter à son supérieur. Ce bon frère, qui n'en savait point le prix, lui ordonna d'aller avec son compagnon le frère Jean, la faire voir à Séville. Ils allèrent tout simplement la montrer à un riche lapidaire qui la reconnut aussitôt pour celle qu'il avait autrefois vendue à la reine. Il fit avertir le juge, les deux ermites furent arrêtés et conduits aussitôt en prison. Le juge, au retour de la campagne, se fit amener les deux prisonniers pour les interroger sur le fait dont on les chargeait. Lorsqu'il vit l'ermite Ambroise, et qu'il reconnut le visage de cet homme illustre, et d'une réputation autrefois si brillante, Il l'embrassa tendrement, et lui fit toutes sortes de caresses. Il reprit aigrement les huissiers d'avoir osé mettre la main sur un homme d'un si grand mérite, et fit connaître à la cour la vérité de cette affaire, qui attira de nouvelles louanges et de nouveaux respects à l'ermite. Quelque temps après, il arriva quelques affaires à l'ermitage de Tardon, qui obligèrent les ermites de députer à Séville Ambroise avec son compagnon, le frère Jean. Le séjour de cette grande ville les incommoda tellement, qu'ils se retirèrent à un quart de lieue de distance, dans un ermitage appelé Saint-Onufre. Les affaires qu'il était venu ménager pour son couvent, le retinrent un an en ce lieu avec son compagnon, sans qu'il eût autre chose pour subsister, que le travail de ses mains. Il s'était appris à filer le lin avec tant d'adresse et d'industrie, que son ouvrage était extraordinairement estimé, jusque-là que les dames lui en payaient l'once au prix de 10 réals. Tout le monde en Séville vint peu à peu à le connaître. On admirait sa pauvreté et sa pénitence, et les personnes les plus distinguées, ravies de son esprit et de sa doctrine céleste, accouraient à son ermitage pour le visiter, et pour l'entretenir sur les affaires de leur salut. Le frère Jean fut à la fin ennuyé d'un si grand tabord de monde qui venait troubler le repos de leur solitude. Il n'osa pas pourtant s'en plaindre, mais ne croyant pas y pouvoir remédier, il trouva plus à propos de se retirer secrètement, et sans prendre congé de son compagnon, dans un ermitage plus à l'écart. Lorsque Marianne ne vit plus ce bon frère, il en fut extrêmement affligé, et l'affection qu'il avait pour lui l'obligea de faire toutes les diligences possibles pour le chercher. Dès qu'il eut découvert le lieu où il était, il l'alla joindre, et frère Jean, qui ne s'était éloigné que par un principe de ferveur et de simplicité, n'eut pas de peine à se réunir au frère Ambroise Marian, qui le mena dans une solitude qu'un grand d'Espagne lui avait offerte. Le roi Philippe II, qui le sut en ce lieu, lui envoya ordre en même temps de venir à la cour, pour recevoir la commission de faire tirer d'utage une certaine terre qui serait utile à la plaine d'Aranjuez. Avant que de partir de Madrid, il voulut aller visiter ses chers amis du Tardon, qui le prièrent instamment d'obtenir du roi par son crédit, que le pape approuva la façon de vivre qu'il pratiquait en ce désert. Parce que depuis la déclaration du Concile de Trente, il ne leur était plus permis de vivre de la sorte, sans approbation du Saint-Siège. Ambroise s'employa pour leur service avec beaucoup d'ardeur, et fit agir si bien auprès du pape, les grands d'Espagne qui étaient ses amis, que les ermites eurent la permission de choisir entre les règles des anciens pères celles qui leur plairaient le plus. Cependant, Ambroise visitait tous les lieux solitaires, qui pouvaient convenir à son dessein de retraite. Le roi lui en donna un dans la plaine d'Aranjuez, dont il le remercia, parce qu'il était plus propre à faire de beaux jardins, que des ermitages rustiques, mais le prince Ruy Gomez lui en offrit un autre proche de Pastrane qui lui fut très agréable. Thérèse, dans la conversation qu'ils curent ensemble, lui fit lire la règle et les constitutions de sa réforme. Il les lui demanda pour lire en son particulier, et les communiqua à son compagnon le frère Jean. Tous deux y trouvèrent le véritable genre de vie qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Ils en conçurent une extrême joie, et le lendemain matin déclarèrent à Madame de Mascarenhia qu'ils étaient résolus d'embrasser la réforme des Carmes déchaussés. Cette dame vint aussitôt apprendre une si agréable nouvelle à Thérèse, qui, transportée de joie d'avoir acquis à son ordre deux hommes d'une vertu si rare, en rendit à Dieu 1000 actions de grâce. Lorsqu'elle retourna le lendemain voir le père Marian, elle lui témoigna la joie qu'elle avait d'avoir enrichi sa réforme si heureusement. Le père Marian lui répondit, que non seulement il était prêt à se consacrer à Dieu parmi les carmes réformés, mais même de céder à l'ordre un ermitage que le prince Ruy Gomez lui avait donné, que c'était un lieu commode, solitaire, étroit, propre à fonder un couvent. Thérèse accepta ce qu'il proposait, et l'écrivit à l'évêque d'Avila pour solliciter auprès des deux provinciaux la permission de cet établissement. Elle dit au père Marian d'en attendre la réponse à Madrid avec le frère qui l'accompagnait, italien comme lui, très simple et très détaché du monde. Elle prit le chemin de Pastrane, avec quelques-unes de ses religieuses. Le prince et la princesse la reçurent très bien, et la logèrent avec sa troupe dans l'appartement le plus retiré de leur palais, pour y demeurer, tandis qu'on bâtissait la maison qui était destinée pour le monastère. Thérèse souffrit avec ses compagnes quelques incommodités dans ce château. Le logement qu'on leur avait donné était fort serré, et d'ailleurs les domestiques ne prenaient pas beaucoup de soin d'elle, mais ce ne fut pas là ce qui donnait le plus de peine à la sainte. Elle fut bien plus mortifiée de ne pouvoir accorder tout ce qu'on exigeait d'elle. La princesse avait d'assez bons excès de dévotion, mais de trop faibles idées de la vertu, qu'elle ajustait toujours à son humeur. Sa piété ne la rendait ni moins délicate sur les prétendus privilèges de son rang, ni moins attachée à ses desseins. Elle voulut obliger Thérèse à donner sur le champ l'habit de carmélite réformé à une religieuse augustine qu'elle avait auprès d'elle. La sainte lui dit qu'elle ne pouvait aller si vite, et qu'il fallait auparavant qu'elle connût bien le caractère de la personne, et que d'ailleurs ses changements de religion à une autre ne l'accommodaient pas, et ne lui plaisaient pas beaucoup. La princesse qui était prompte et dominante, se fâcha contre Thérèse. Il y eut encore d'autres difficultés pour la fondation. La princesse ne voulait pas qu'on y attachât du revenu. Thérèse n'y pouvait consentir autrement, à cause que le lieu était trop peu considérable pour espérer que les aumônes y suffiraient, et elle était résolue de partir sans avoir rien fait. Enfin le prince qui avait l'esprit plus juste et plus accommodant, détermina sa femme à fixer un revenu médiocre, et le couvent fut établi, le 9e de juillet 1569, sous le titre de Notre-Dame de la Conception. La princesse ayant su par hasard que Thérèse avait avec elle le livre qu'elle avait écrit de sa vie, voulut qu'elle le lui prêtât. La sainte la refusa nettement, cette princesse insista toujours, elle fit intervenir son mari, et l'un et l'autre persécutèrent tellement Thérèse, qu'elle fut obligée de le leur prêter. Après le leur avoir néanmoins fait donner expressément leur parole que nul autre ne le verrait, c'est ce qui ne fut guère observé. Le livre passa de main en main à tous les officiers domestiques, qui s'en moquèrent à leur aise. On en fit même des copies qu'on ne manqua pas d'envoyer à Madrid, où elles furent le sujet de toutes les railleries de la cour, et la vie de la sainte y fut tellement décriée et traitée d'extravagance, que l'inquisiteur voulut la voir pour l'examiner. On peut penser en quel état était alors Thérèse de voir les dons de Dieu méprisés et la religion profanée. Cependant le père Marian et son compagnon ayant reçu des deux provinciaux des Carmes leur permission, se rendirent à Pastrane avec un autre père du même ordre, qui voulait aussi embrasser la réforme. Cette arrivée donna beaucoup de joie à la sainte, qui pourtant eut besoin de toute sa force et de toute sa prudence pour ménager l'esprit du prince, et le porter à la fondation des Carmes, tandis qu'il lui fallait éprouver tant de contrariété de la princesse. Cependant elle le détermina à ce qu'elle voulut. Il donna des pièces d'étoffe pour les habits des nouveaux religieux. Thérèse et ses compagnes les taillèrent et les ajustèrent. La vêture se fit dans la chapelle du château, où le père Carmitigé qui se réformait, fit une éloquente prédication, dont le prince et la princesse furent très touchés, et tous les officiers de leur maison qui s'y trouvèrent. Tous les juges et les officiers de la ville y furent présents. Un gentilhomme de ces quartiers y assista, et fut si soudainement frappé de ce spectacle, qu'il voulut s'unir à ces fervents solitaires. On les conduisit à leur ermitage solennellement en procession. Toute la ville y était, et beaucoup de personnes des lieux voisins. L'ermitage de Pastrane est situé sur une montagne toute ronde, et presque entièrement séparée des autres collines qui sont alentour. Elle est au milieu de trois vallées qui viennent se terminer à ses pieds, et forment trois différents aspects. La première s'étend depuis la ville de Pastrane jusqu'à cette montagne. La seconde qui commence au-dessous de celle-ci, va finir au courant du Tage, et n'a pas moins d'une lieue de longueur. La troisième est une plaine unie et fort agréable, cultivée partout, couverte de vignes, de blé, et des autres richesses de la nature, et coupée d'un grand chemin. On voit un quart de lieue de la ville de Pastrane, située sur un coteau le plus beau du monde, orné de verdure et de fleurs. Les collines qui bornent les vallées de part et d'autre sont couvertes d'oliviers, de plus, et d'autres arbres toujours verts, qui forment d'agréables objets à la vue. Les habitants de cette montagne et ceux qui contemplent la disposition de ce paysage, sont charmés d'un si beau séjour. Mais la vie que menèrent en ce lieu les premiers ermites qui l'habitèrent, et qu'on y mena toujours depuis, est bien plus digne de nos admirations. Le père Antoine de Jésus, qui régla la forme de leurs exercices, soutenu des bonnes intentions et de la piété du prince Ruy Gomez, établi dans cette solitude, pour le principe et le fondement de la ferveur, la pratique continuelle de l'oraison. Ces premiers religieux purent sans doute à juste titre être appelés de véritables contemplatifs, tant ils étaient dégagés des choses de la terre, et appliqués à celles du ciel. Quand l'heure de la prière leur annonçait de se rendre au cœur, ils y volaient avec joie. Loin de se lasser dans cet exercice, ils y trouvaient de nouvelles forces. Ils se tenaient à genoux, immobiles comme des statues, les yeux fixement attachés sur la croix de Jésus-Christ, à peine les entendait-on respirer. Ils étaient vigilants à cacher les grâces dont Dieu les favorisait dans la prière, et ceux qui craignaient d'être trahis par quelques soupirs échappés malgré eux, se retiraient dans un coin de l'église, ou dans les lieux écartés du jardin, pour répandre en liberté leur cœur devant Dieu. Lorsqu'ils revenaient de leur retraite, on n'avait que faire de leur en demander des nouvelles. On voyait dépeinte sur leur visage la joie modeste dont ils jouissaient au-dedans d'eux-mêmes, et il suffisait de les entendre pour juger du contentement de leur esprit. Une contemplation si pure et si continuelle des vérités divines fit régner dans ce monastère toutes les vertus, et l'on serait étonné des pratiques d'obéissance, de pauvreté et de mortification que ces saints religieux mirent en usage. Thérèse fut extrêmement consolée de voir un établissement qui lui promettait de si grandes suites. Ses espérances ne l'ont point trompée, et l'on a vu les progrès de cet ordre, où la ferveur et la régularité se sont conservées sans altération. Après les fondations de Durvel et de Pastrane, les couvents des Carmes réformés se multiplièrent, mais nous n'en parlerons pas davantage, parce que cela devient étranger à notre sujet. Aussi Thérèse n'eut pas plutôt vu les choses en mouvement, et en état de se perfectionner sans son ministère, qu'elle ne s'en mêla plus, elle continua d'avoir des relations et des liaisons très étroites avec les pères de la Réforme. Pour être éclairée par leurs conseils, elle les consultait sur le gouvernement de ces religieuses, mais n'entra plus dans les négociations d'établissement d'hommes, et se renferma dans les soins qui la regardaient. Elle fut néanmoins toujours très sensible à l'accroissement des pères réformés, et dans les occasions leur donna ses avis touchant le progrès de leur réforme, et même sur la manière de se conduire dans le commerce du monde. Car elle était si persuadée que la vie de retraite devait être le fondement de leur institution, qu'un jour écrivant au père Marian, « Je ne crois pas, lui dit-elle, « que ce soit une chose avantageuse à notre ordre d'avoir des religieux qui s'occupent à confesser des filles repenties. Il serait bien plus à propos que le monde les reconnût pour des ermites dégagées de toutes sortes d'affaires, et tout absorbées dans la contemplation des choses divines, plutôt que de les voir d'un côté et d'autre avec des femmes de ce caractère. Quoique ce ne soit que pour les retirer de leur mauvais commerce, on ne laissera pas de s'en scandaliser. Thérèse, en quittant Pastrane, revint à Tolède, où il y avait encore quelques affaires à régler, que la précipitation de son départ ne lui avait pas permis de finir tout à fait. Durant le séjour que fit la sainte en cette ville, elle écrivit aux Indes à Laurent de Cep et de son frère, qui se disposait à repasser en Espagne pour s'y établir. Elle l'entretint sur plusieurs choses qui regardaient les affaires de la famille, et l'on voit par cette lettre de quelle manière la piété la plus épurée peut compatir avec l'intérêt de nos proches. C'est dans ces occasions où l'on connaît bien mieux le caractère de la vertu des saints, que dans les devoirs de la religion même qui les rend plus attentifs sur leurs mouvements, et c'est ce qui nous engage d'extraire cette lettre. Car il est utile d'entendre Thérèse sur toutes sortes de matières. On prie, lui dit-elle, continuellement Dieu dans nos couvents pour votre retour, car puisque vous avez dessein de servir le Seigneur, nos religieux sont obligés de le prier qu'il lui plaise de vous ramener heureusement dans ce pays. Nous avons maintenant 6 monastères de religieuses bien établies, et 2 de nos carmes réformés. Tout cela marche à grands pas dans les voies de la perfection. Je suis maintenant à Tolède, et je m'y suis beaucoup mieux trouvé cet hiver, que je n'avais fait depuis longtemps. L'air de ce pays est excellent, et si je ne voyais les inconvénients qu'il y a du côté de vos enfants, qui vous empêcheraient de vous établir ici, j'aurais eu dessein de vous faire choisir cette ville pour votre demeure, à cause que l'air y est si bon. Mais vous pourrez trouver dans le plat pays d'Avila des endroits où vous pourrez passer les hivers, comme font bien des gens. Tout dépend de la volonté de Dieu, ainsi je crois qu'il veut que j'aie à présent plus de santé que je n'en ai eu depuis 40 ans, quoique je garde la règle comme les autres religieuses, et que je ne mange de viande qu'à la dernière extrémité. Il y a environ 1 an que j'eus la fièvre quarte. J'étais alors à Valladolid, où je fondais un de nos monastères, je m'y trouvais très bien traité par les soins de Madame Marie de Mendos, qui m'aime avec beaucoup d'affection. Dieu connaît quand nous avons besoin de la santé pour notre avancement, et il nous la donne, mais s'il voit qu'elle ne nous soit pas nécessaire, il nous envoie la maladie, qu'il soit béni en tout. J'ai été fort affligé d'apprendre que vous ayez eu mal aux yeux, c'est un fâcheux mal, je rends grâce à Dieu que vous en soyez guéri. Votre beau-frère vous a écrit son voyage de Séville, un de mes amis l'adressa si bien, qu'il toucha l'argent le même jour qu'il arriva, il l'a apporté, et à la fin de ce mois on le délivrera à ceux que vous ordonnez. On fit en ma présence le compte des droits qu'il a fallu payer au roi, je vous l'enverrai dans le paquet. Ce n'est pas peu pour moi que d'être savant dans ces sortes de choses, mais que voulez-vous, je suis tellement devenue femme d'affaires par ces fondations que j'ai faites, que je sais un peu de tout et comme je mets ce qui vous regarde au même rang que les affaires de Dieu même, je suis bien aise de m'en mêler. Je vous avertis, de peur que je ne l'oublie, que le fils de Cut est mort fort jeune. Il ne faut faire nul fondement sur cette vie, et je suis fort consolé quand je me souviens que vous êtes persuadé de cette vérité. Je voudrais, après m'être détaché des affaires de ce couvent, m'en retourner à Avila, dont je suis encore prieur, pour ne pas fâcher l'évêque, à qui j'ai de grandes obligations, et toute notre réforme aussi. Je ne sais pas ce que Dieu voudra faire de moi et je suis dans l'incertitude de si j'irai à Salamanque, où l'on m'offre une maison, car, bien que je souffre beaucoup de fatigue dans ces voyages, Le profit que font ces couvents par toutes les villes où ils sont établis est si considérable que mes confesseurs m'obligent en conscience d'en fonder autant que je pourrai, et notre Seigneur y contribue d'une manière qui m'encourage infiniment. J'avais oublié dans mes autres lettres de vous faire savoir les commodités que vous trouverez dans Avila pour bien élever vos enfants. Les pères de la Compagnie de Jésus ont un collège, où ils enseignent la grammaire aux jeunes gens, qu'ils font confesser tous les jours, et ils les rendent si vertueux, qu'on en saurait trop louer Dieu. On enseigne aussi la philosophie et la théologie dans le couvent des Dominicains, tellement que pour être instruit dans les sciences et dans la piété, il ne faut pas sortir d'Avila. Il y a une si grande dévotion parmi le peuple, qu'elle édifie ceux qui viennent des autres villes. Plusieurs personnes y font oraison, fréquentent les sacrements, et mènent une vie très parfaite. Le bon François de Salcède est du nombre. Je suis ravi des aumônes que vous envoyez à ceux de nos parents qui en ont besoin. Quant à moi, je n'ai affaire de rien, car j'ai plus qu'il ne me faut. Ainsi une partie de ce que vous m'avez envoyé sera pour ma sœur, j'emploierai le reste en bonnes œuvres à votre intention. Il faut que le monde soit dans un grand aveuglement, d'avoir si bonne opinion de moi, je n'en sais pas la raison, mais j'ai un si grand crédit partout, qu'on me confie jusqu'à 2000 écus, de sorte que, dans le temps que j'ai le plus d'aversion pour l'argent et pour les affaires, Dieu veut que j'en sois embarrassé, ce n'est pas une petite croix, pour moi. Dieu veuille, au moins, que je puisse le servir dans tout ce tracas car, à la fin, cela passera comme je l'espère. Votre retour en ce pays me donnera sans doute quelque consolation, j'en reçois peu de la terre, puissions-nous nous joindre ensemble pour travailler au salut des âmes. Je suis touché de compassion d'en voir un si grand nombre de perdus, entre autres, ces Indiens, chez qui vous vivez, ne me donnent pas peu de peine. Dieu daigne les éclairer, et aussi ceux de ce pays car je vous assure qu'il y a bien de la peine et du mal partout. Je n'en sais que trop là-dessus. Comme je vais en tant d'endroits, et que je traite le plus souvent avec tant de personnes différentes, tout ce que je puis dire, c'est que nous sommes pires que des bêtes. Nous ne connaissons point la dignité de notre âme, que nous avilissons, et que nous dégradons par la tâche à tant de bagatelles. Daigne le Seigneur nous éclairer. Comme la Sainte se préparait à s'en retourner à Avila, François Velasquez et sa femme, Thérèse de Lay, la sollicitèrent, par l'entremise de sa sœur Madame d'Allumade, de venir faire à Albe une fondation. Elle se rendit à leur prière et les alla voir, mais ne put alors rien régler, parce qu'ils exigeaient d'elle des conditions trop onéreuses à l'établissement. Elle revint à Médine, et ensuite à Pastrane, pour assister à la profession du Père Marian, qui fit son sacrifice avec une générosité vraiment héroïque. De là elle fut obligée de se rendre encore à Tolède, où l'on pratiquait toujours les plus éminentes vertus. C'était pour Thérèse un sujet de joie de visiter souvent ce monastère, où tout flattait sa ferveur. Une demoiselle de 40 ans, très riche et très commodément établie dans le monde, vint demander l'habit à la sainte, et lui faire une donation de tout son bien, qu'elle lui fit accepter avant même son engagement. Thérèse, pour l'éprouver, lui représenta que, si elle n'était pas propre à l'austérité de leur vie, on la renverrait sans ménagement, sans que sa donation pût l'empêcher. Cela ne rebuta point la demoiselle, qui déclara qu'elle s'exposait volontiers à ce risque pour la gloire de Dieu. Thérèse reçut ensuite une autre fille fort pauvre, et qui n'avait pour toute richesse que les talents de son esprit. Et pour faire connaître ce qu'elle pensait sur cette réception, elle dit hautement qu'elle donnait entrée à cette seconde fille avec encore plus de joie qu'elle n'en avait eu en recevant celle qui était si riche. Nulle considération humaine ne la déterminait et ne lui faisait impression. Un jour, À l'occasion d'une autre fille qu'elle avait aussi reçue pour rien, elle écrivit au père Dominique Bagnier, « Assurez-vous, mon père, que c'est pour moi une joie très sensible toutes les fois que je reçois des filles qui n'apportent rien au couvent, et que je les reçois seulement pour l'amour de Dieu, de sorte que, quand elles n'ont pas de quoi se mettre dans d'autres monastères, et qu'elles ne peuvent pas suivre leur vocation faute d'argent, je reconnais que Dieu me fait une grâce particulière de me les adresser, afin que je les contente. Si je pouvais toutes les faire recevoir de cette manière, j'en serais extrêmement ravi. » Il paraissait bien dans l'occasion qu'elle s'en faisait une joie. Lorsque son frère était encore aux Indes, d'où il devait partir pour revenir en Espagne, elle lui manda que, pour obtenir de Dieu que son voyage fût heureux, et qu'il revînt, lui et ses enfants, dans une santé parfaite. Elle avait reçu une fille qui n'avait rien apporté, et qu'elle voulait même lui fournir un lit. Quelque progrès que fît sa réputation, et de quelque utilité que fût son séjour à Tolède, la jalousie ne laissait pas d'agir contre elle quelquefois. Un homme la vint demander un jour, et lui dit au parloir mille choses outrageantes. Il l'appela orgueilleuse et une hypocrite, qui, pour se glorifier du titre de fondatrice, allait partout, faisant des établissements de monastères. Elle l'écouta paisiblement tant qu'il voulut, et il s'en alla sans qu'elle lui eût rien répondu. Le confesseur du couvent, qui fut informé de cette aventure, voulut lui dire, pour la consoler, qu'il ne fallait pas s'arrêter au discours d'un extravagant. « Oh mon père, reprit Thérèse, n'appelez pas fou, je vous prie, un homme qui m'a si bien dit mes vérités. » Quand elle fut prête à partir de Tolède, un père jésuite, des plus célèbres et des plus accrédités dans Salamanque, lui écrivit qu'il était avantageux de faire en cette ville un établissement de sa réforme, et qu'il lui conseillait de s'y rendre. La sainte y avait déjà pensé, et, cet avertissement l'y ayant déterminé, elle revint à Avila, d'où elle écrivit à ce père pour obtenir la permission de l'évêque, qui n'eut pas de peine à l'accorder. Il savait déjà les progrès et les utilités de ce nouvel institut. On chercha secrètement une maison, qui fut louée sans qu'on le sût. L'affaire fut conduite avec prudence, de crainte qu'elle ne fût divulguée, car Thérèse a toujours été persuadée que pour ne point exciter la jalousie, elle ne devait faire connaître ses desseins que lorsque tout était en état d'être accompli. Elle partit donc d'Avila avec une seule religieuse, parce qu'il lui semblait inutile et plus prudent de n'en pas mener un si grand nombre jusqu'à ce que l'ouvrage eût sa perfection. Elle porta avec elle une grande provision d'espérance, mais fort peu d'argent, et elle arriva à Salamanque sur le midi, la veille de la Toussaint de l'année 1570, après avoir souffert la nuit précédente bien des fatigues, et essuyé bien de mauvais chemins. Dès qu'elle fut à l'hôtellerie, elle envoya quérir un marchand qu'elle connaissait, et qui lui avait loué la maison. Elle le chargea de mettre incessamment les lieux en bon ordre, et s'y rendit elle-même vers le soir, après qu'on eût fait sortir de cette même maison, avec assez de peine, des écoliers qui l'occupaient. Le recteur des jésuites, qui l'avait fait venir, lui envoya aussitôt quelques frères pour travailler à ce qu'il y avait à faire, et mettre la chapelle en état d'y célébrer décemment la messe. Le lendemain, de grand matin, on prit possession, le saint sacrifice fut offert, et l'on donna au monastère le nom de Saint-Joseph. On fit dans la suite venir des religieuses de Médine et d'Avila, mais cette nuit, qui était entre la fête de la Toussaint et le jour des morts, Thérèse se trouva seule avec sa compagne dans les vastes appartements de cette maison, assez mal fermée et encore plus mal meublée. Elles s'étaient toutes deux retirées dans une chambre pour se reposer sur de la paille, qui était toujours son premier meuble. Thérèse voulut un peu se laisser aller au sommeil, Mais sa compagne était toujours agitée d'alarme qu'il n'y eût encore quelques-uns de ses écoliers cachés dans la maison, d'où ils étaient sortis malgré eux. « Je ne puis, dit-elle, m'empêcher de rire, quand je pense à la frayeur de cette bonne mère, qui était beaucoup plus âgée que moi. » Cependant les cloches ne cessaient point de faire entendre leur bruit lugubre, et au souvenir du jour suivant, l'image de la mort se présentait à l'esprit de la religieuse. Thérèse, qui s'aperçut combien sa compagne était effrayée, et qu'elle tenait ses yeux fixement ouverts, lui demanda ce qu'elle regardait. « Je pensais, ma mère, lui répondit-elle, ce que vous deviendriez ici seule, si je venais à mourir. Ma sœur, lui répondit Thérèse, dans les nécessités pressantes les réflexions sont inutiles quand elles ne sont pas accompagnées de remèdes. Si cela arrive, je verrai ce que j'aurai à faire. Maintenant laissez-moi dormir. » La question de la religieuse était assez imprudente, car la sainte craignait beaucoup les corps morts, et ne pouvait demeurer seule dans un lieu où il y en avait. Après un séjour de 2 mois dans Salamanque, Thérèse, y ayant laissé tout en bon ordre, partit pour Avia, où elle reçut des lettres d'Albe, qui lui apprenait que Velasquez et sa femme acquiesçaient à ses raisons pour l'établissement du monastère. Thérèse y retourna, le mari et la femme donnèrent un revenu suffisant, outre leur maison, et allèrent demeurer dans une autre. Depuis la fondation de ce couvent, le duc et la duchesse d'Albe allèrent visiter la sainte, et prirent pour elle et pour ses filles une tendre inclination, aussi bien que pour les carmes réformés. Ainsi Thérèse acquit à son ordre de puissants protecteurs, qui, dans toutes les occasions, ont témoigné par leurs discours et par leurs œuvres, leur attachement pour cet ordre, qui se glorifie de leur appui, et leur rend tous les devoirs de gratitude et de respect. Après la fondation du monastère d'Albe, Thérèse fut 2 ans sans en faire d'autres. Quand elle allait en voyage, elle avait coutume de ne mener avec elle que celles de ses religieuses qui le souhaitaient le plus, et elle les en remerciait avec les paroles les plus flatteuses. Avant que de partir, elle les faisait communier, pour les fortifier contre les événements de la route. Elle avait soin de choisir d'honnêtes conducteurs de chariots ou de litières, et, s'il n'y en avait point, de prendre des charrettes bien couvertes, où elle et ses compagnes tenaient leur voile baissée, et ne se permettaient de parler que quand il le fallait. Elle portait avec elle une petite sonnette pour donner le signal de la prière et du silence, aussi régulièrement que dans son monastère, et, de crainte que les voituriers et les autres personnes de la compagnie ne les interrompissent dans leur oraison, elle les contenait soit par l'autorité que lui attirait son mérite, soit par de petits présents qu'elle leur faisait. Lorsqu'elle était arrivée à l'hôtellerie, elle s'enfermait du mieux qu'elle pouvait, pour se soustraire aux yeux du monde. Rien ne représentait mieux un monastère régulier dans les lieux même les moins propres aux exercices de la religion. Elle avait le cœur tellement uni à Dieu, et l'esprit si fort appliqué aux choses éternelles, que, sans le soin qu'il lui fallait prendre de ses sœurs, elle aurait eu besoin plutôt de quelques divertissements pour lui relâcher l'esprit, que d'être excitée à se recueillir. Tant elle avait une idée vive de la présence du Seigneur, elle prenait occasion de tout ce qui arrivait, pour adoucir les travaux et les ennuis du voyage, et mêlait néanmoins toujours des discours édifiants aux conversations agréables qu'elle permettait. Dès qu'il arrivait quelque accident fâcheux sur la route, son courage se ranimait. Un jour qu'elle allait d'Avila à Médine, la nuit les surprit près d'une rivière, et le ciel était si sombre, qu'ils ne se voyaient presque pas les uns les autres, de sorte que ceux qui l'accompagnaient n'osaient s'engager à la passer. Comme ils étaient dans cette inquiétude, sans savoir à quoi se résoudre, la sainte leur dit d'un air gai, Il n'y a pas d'apparence que nous demeurions ici toute la nuit exposés à l'air, passons et nous recommandons à Dieu, je passerai la première, tous la suivirent, et ils arrivèrent à l'autre bord sans nul danger. Elle se ressentait toujours de quelques restes des maladies qu'elle avait eues, des vomissements toutes les nuits, souvent des maux de cœur et des coliques, une espèce de paralysie qui, de temps en temps, la prenait à la tête et aux bras. Comme elle était quelquefois obligée de se mettre en chemin avec ses incommodités, elle souffrait alors beaucoup, car, outre sa pauvreté, qui la faisait manquer de bien des choses, il fallait essuyer les difficultés et les dangers de la route. Les pluies, les neiges, les vents, les orages, les chaleurs, à tout cela elle ne faisait que rire. Il lui arriva plusieurs fois de souffrir tout le jour la pluie ou la neige, et de faire plusieurs lieues sans trouver de bourgade ni de couvent, et rencontrer ensuite de mauvaises hôtelleries, où il n'y avait pas de feu pour la chauffer et sécher ses habits, où même on ne trouvait rien à manger, et, pour se reposer de toutes ses fatigues, se mettre sur un lit dur et sans toit, d'où l'on pouvait voir le ciel. Partir ensuite au point du jour encore toute mouillée, et ses habits percés de l'eau qui était tombée sur elle. Elle eût beaucoup mieux aimé ne sortir jamais et ne point quitter sa chère solitude, mais son général lui avait ordonné de fonder autant de monastères qu'elle pourrait, et Jésus-Christ lui-même lui commandait tous ses voyages, dont elle ne fit pas un sans inspiration divine bien avérée, et sans ordre exprès de ses confesseurs. Cependant bien des gens qui ne voyaient pas ce feu continuel qui la dévorait pour l'augmentation de la gloire de Dieu, et ne remarquaient en elle qu'une simple femme, parlaient de temps en temps assez désavantageusement de sa conduite. Mais aujourd'hui que toute la terre reçoit de si grands fruits de ses courses laborieuses, elles sont devenues les plus grandes preuves de son courage et de sa sainteté. Durant ces 2 années de repos qu'elle eut sans continuer ses fondations, elle fut faire un tour à Salamanque, où ses filles étaient accablées de pauvreté, on les changea d'habitation, et elles furent mises dans un endroit commode, où la présence de leur mère leur attira beaucoup de bénédictions et d'aumônes. Le comte et la comtesse de Maintray avaient obtenu permission des supérieurs, que quand Thérèse viendrait à Salamanque, elle irait descendre chez eux, de sorte qu'ayant été avertis de sa venue, ils envoyèrent au-devant d'elle. La sainte ne voulut pas leur refuser ce qu'ils souhaitaient, et sa présence, sa conversation et ses exemples leur donnèrent beaucoup de joie. Un jour le comte et la comtesse supplièrent Thérèse de visiter une malade de leur palais, qui leur était fort chère. C'était une dame dont le mari était gouverneur de leurs enfants. Son mal l'avait réduite à une telle extrémité, qu'elle était presque désespérée des médecins. Thérèse ne manqua pas de l'aller voir, et s'étant approchée de son lit pour lui témoigner plus de compassion, elle mit sa main sur la tête de la malade, alors cette mourante commença de se réveiller en sursaut, et s'écria par admiration, « Qui est ce qui me touche, à que je me porte bien maintenant ?» La sainte lui fit signe de ne dire mot, et la voyant si fort émue, elle la pria de se taire, mais la malade, dans le transport de sa joie, et dans l'étonnement d'un si prompt retour de sa santé, continua toujours les cris de sa reconnaissance. Tous ceux qui étaient présents rendirent 1000 actions de grâce à Thérèse de cet événement, et elle s'efforçait de dire, « Ne prenez pas garde à cela, messieurs, ne voyez-vous pas bien que cette pauvre dame rêve ?» Mais elle eut beau faire, il lui en fallut souffrir tout l'honneur, car, au même instant, la malade se leva, et se trouva parfaitement guérie. Thérèse, en arrivant à Salamanque, avait appris qu'il y avait au monastère de religieuses qui s'étaient persuadées qu'elle ne pouvait passer un jour sans communier, en sorte que si elle ne recevait l'Eucharistie le matin, elle paraissait tomber en défaillance. Le confesseur n'en pouvait avoir raison, Mais la sainte leur défendit cette pratique, elle leur dit que, quoiqu'elle eût elle-même de pareils désirs, elle s'en abstenait pour se conformer à la règle commune, qu'importe d'en mourir, leur dit-elle, il vaut mieux mourir que de se singulariser. Le premier jour la privation leur coûta beaucoup, le lendemain elles furent moins affligées, et le troisième jour encore moins, et elles se conformèrent aux pratiques générales. Elle ne gouverna jamais ses filles avec contrainte, mais elle en faisait ce qu'elle voulait par sa douceur, elle gagnait d'abord leur cœur, ensuite on ne lui refusait rien. Quand elle arrivait en quelqu'un de ses monastères, elle se soumettait à la prière et à la sous-prière, et s'essayait toujours à la dernière place. Thérèse laissa dans sa lament qu'une grande idée de ses vertus, mais elle ne fut pas plus tôt revenue à Avila, qu'elle fut obligée d'en partir pour se rendre à Médine, où il y avait des différends entre les religieuses et les parents d'une novice favorisée du provincial des Carmes. La sainte, qui ne marchait jamais qu'avec les précautions convenables, demanda à son supérieur un religieux des mitigés pour l'accompagner. Il lui en donna un qu'il crut avoir bien choisi, mais plein de préjugés contre elle, et qui critiquait et contredisait toutes ses démarches. Quoiqu'elle sût bien ses sentiments, elle n'en fit rien connaître, et reçut comme de la main de Dieu cette compagnie, qui lui venait par la voie de l'obéissance, durant tout le chemin. Elle en usait avec lui avec une amitié et une joie qui surprenaient tout le monde. Ils passèrent près d'un monastère où la sainte avait encore beaucoup de gens qui lui étaient opposés, elle ne l'ignorait pas, et quoiqu'il y eût un lieu de détour, elle fit en sorte qu'on l'y mena. Elle entra d'abord dans l'église, les religieux le surent, mais pas un ne l'y alla trouver. La sainte les fit tout appeler, et leur parla à chacun en particulier avec tant de témoignages de cordialité et d'affection, qu'il semblait que c'étaient ses meilleurs amis. Elle demeura chez eux depuis le matin jusqu'au soir, et elle causa un tel changement dans leurs esprits, que, lorsqu'elle s'en alla, ils sortirent tous pour l'accompagner. Ils la virent s'éloigner avec regret, et demeurèrent remplis d'admiration pour ses vertus, et bien honteux de leur prévention. Le père qui l'accompagnait fut si ravi par cet exemple et par d'autres encore qu'elle lui donnait à chaque pas, qu'il détesta ses préjugés téméraires, et la pria de le choisir pour être le compagnon de tous ses voyages. Lorsqu'elle fut arrivée à Médine, elle examina l'affaire en question. Comme elle reconnut que les religieuses n'avaient point tort, elle ne put se défendre de soutenir leur raison contre celle du provincial et des parents de la novice. Ce supérieur en fut mortifié, et tâcha de chagriner Thérèse dans les occasions. Il la reprit un jour de ce qu'elle souffrait qu'on l'appelât fondatrice, elle le pria fort d'empêcher qu'on ne la nommât de la sorte, et lui avoua qu'elle n'avait pas plus fait de réflexion sur ce titre, que si on l'eût appelée Thérèse. Enfin, il voulut mettre à ce couvent une prieure de l'observance mitigée, que ni la sainte, ni ses filles ne croyaient nullement leur convenir. Leur résistance lui déplut, et pour faire valoir son autorité, il ordonna à Thérèse de sortir incessamment de Médine, et d'emmener avec elle la religieuse qu'on voulait faire prieure, pour mettre à cette place celle qu'il désirait. Thérèse, très soumise à l'obéissance, exécuta l'ordre aussitôt, et le même soir, quoiqu'il fût déjà fort tard, et malgré les rigueurs de l'hiver, et les infirmités qui l'accablaient, malgré les alarmes de ses sœurs, qui se désolaient sur la perte de leur mère, elle partit sans retardement, elle revint à son couvent d'Avila dans le temps que le pape Pivet venait de nommer des visiteurs pour tous les ordres religieux. Le père Ferdinand, dominicain, homme d'une rare sagesse et d'une vertu distinguée, avait été choisi pour visiteur des Carmes. Quoiqu'il connût déjà Thérèse de réputation, il l'affectionna, et l'estima tout autrement quand il l'eut vue, et ne la regardait pas comme une simple femme, mais comme un homme des plus courageux, il en conçut une si haute idée, qu'un jour que des hommes fort importants parlaient d'elle assez mal devant lui, « Je ne le souffrirai pas, leur dit-il, et si vous continuez d'en médire, je sortirai. » Lorsqu'il visita les pères Carmes de Médine, et qu'il les eut trouvés peu favorables à la sainte, il revint à Avila, et l'envoya prieur à Médine, d'où on l'avait chassée, et où elle avait été élue par les suffrages unanimes des religieuses, à la place de celle que le provincial y avait mise, et qui s'était bientôt dégoûtée de l'austérité de cette vie. Thérèse ne fut là néanmoins que 3 mois, et ce même père la fit revenir à Avila pour y être prieur du monastère mitigé de l'Incarnation. Ce choix lui fit beaucoup de peine, car il lui paraissait rude qu'on l'engageât à prendre soin d'un monastère non réformé, et à remettre la régularité dans un couvent moins austère que les siens. Tandis qu'elle était tout occupée à former ses nouveaux enfants, mais elle fut obligée de se soumettre par une inspiration de Jésus-Christ même. Car, un jour qu'elle priait dans sa cellule pour un de ses frères, dont le salut était en danger, elle fit cette plainte au Sauveur, et lui dit, avec sa familiarité accoutumée, « En vérité, Seigneur, si vous aviez un frère, et que je le visse dans un semblable péril, j'entreprendrais, pour le délivrer, tout ce qu'il y aurait de plus difficile. » Jésus-Christ lui fit connaître que toutes les âmes étaient ses frères, et qu'il lui reprochait de trop tarder à aller prendre soin de celles qui avaient besoin de son secours dans le monastère de l'Incarnation. Elle ne balança plus, et, s'étant rendue à Saint-Joseph d'Avila, elle y fit vœu, entre les mains du père visiteur, d'observer la règle de la réforme, en quelque lieu que l'obéissance l'obligea d'aller, et signa cet engagement le 13 juillet 1571. Le père visiteur accepta sa déclaration, et fit inscrire Thérèse au nombre des religieuses conventuelles du nouveau monastère de Salamanque, après l'avoir reconnue dégagée de celui de l'Incarnation. Quoiqu'elle vînt d'en être élue prieur par le visiteur même, et par les pères de son ordre. Dans la visite que le père Ferdinand avait faite au couvent de l'Incarnation, il avait vu le besoin qu'il avait d'une prieure habile pour en rétablir le spirituel et le temporel. Les biens se trouvaient mal administrés, et presque dissipés, en sorte que les religieuses, au nombre de 80, n'ayant presque rien de ce qu'il leur fallait, étaient résolus à demander la permission de retourner chez leurs parents. Leur indigence avait introduit beaucoup de dissipation et de liberté, et Thérèse avait paru très propre à ce père pour apporter remède à tout. Elle savait que les saintes pratiques qu'elle y avait vues de son temps étaient presque abolies, et c'est ce qui causait sa répugnance pour cette place, outre l'éloignement naturel qu'elle avait de tout ce qui s'appelait supériorité. Cette élection fit beaucoup de peine aux religieuses que l'on n'avait point consultées, et qui n'en avaient eu nulle participation. Et d'ailleurs elles appréhendaient que la sainte ne vînt leur interdire beaucoup de choses qu'elles s'étaient permises depuis longtemps. Enfin Thérèse fut conduite en monastère, et l'on ne saurait exprimer le trouble qui s'y excita. Quelques religieuses, en très petit nombre, se soumirent, mais les autres s'opposèrent avec éclat, elles élevèrent leur voix, se répandirent en plaintes et en murmures violents, et soutenues par les hommes les plus considérables, réclamèrent contre cette nomination. Thérèse, pendant leur bruit, était à genoux devant le Saint-Sacrement, et le provincial qui l'avait amenée, se sentait fort irrité de leur résistance, et faisait éclater sa voix. Thérèse se leva, et lui vint dire qu'il ne devait pas s'étonner de ce qu'elle disait, et qu'au fond elles avaient raison de refuser une prieure qu'elles n'avaient pas élue, et qui n'avait nul mérite. Quand elles curent un peu diminuer leurs cris, le provincial les fit assembler du mieux qu'il put, et leur lut l'ordre qu'il portait, Le trouble s'étant apaisé, la sainte les pria de s'asseoir, et après s'être remise sur un petit siège au bas de la place de la prieure, elle leur fit cette exhortation: « Mesdames, mes mères, et mes sœurs, il a plu à Dieu et à nos supérieurs de m'envoyer en cette maison pour y exercer l'office de prieur. J'y songeais d'autant moins que je me vois fort éloigné de le mériter. Cette élection m'afflige, non seulement parce qu'on me donne une charge dont je ne puis dignement remplir les obligations, mais parce qu'on vous ôte le droit que vous avez d'élire une prieure, et que malgré vous on vous en donne une qui ferait beaucoup si elle pouvait apprendre de la dernière de cette communauté les vertus et ses devoirs. Je ne viens donc que pour vous servir, et pour vous satisfaire en tout ce qui dépend de moi. J'espère que le Seigneur m'aidera dans ce dessein, car, pour ce qui regarde l'observance régulière, la moindre de vous peut me réformer et m'instruire. Ainsi, voyez, mesdames, ce que je puis faire pour vous, soit en général, soit en particulier, je le ferai volontiers, quand il s'agirait même de répandre mon sang, et sacrifier ma vie. Je suis professée fille de cette maison, et par conséquent votre sœur, je connais l'humeur et les besoins de toutes les religieuses, du moins de la plus grande partie. Vous n'avez donc pas sujet de craindre le gouvernement d'une personne dévouée à vous par tant de litres, et vous ne devez pas appréhender ma conduite, car, bien que j'aie demeuré jusqu'à présent parmi mes religieuses déchaussées, je sais néanmoins, grâce à Dieu, comment il faut gouverner celles qui ne le sont pas. Je désire seulement que nous tâchions toutes de servir Dieu avec douceur, et que pour un si bon maître, à qui nous sommes si redevables, nous fassions ce peu d'observance que votre règle et vos constitutions vous ordonnent. Je connais l'excès de notre faiblesse, mais après tout, si nos œuvres ne peuvent parvenir à cette exactitude de notre règle, du moins efforçons-nous d'avoir un désir sincère d'y arriver, car Jésus-Christ est bon, et il nous donnera la force d'exécuter, et de mettre en pratique ce que nos bons désirs et nos bonnes intentions auront conçu. Thérèse prononça ce discours avec un air libre et prévenant qui lui soumettait les esprits en toutes occasions. Aussi les religieuses les plus opiniâtres se sentirent calmées dès qu'elle eut fini. De sorte qu'il n'y en eut pas une qui ne vécut avec joie sous sa domination. La sainte trouva dans ce monastère beaucoup d'indigence et de tiédeur, mais peu de temps après son arrivée, les biens célestes et temporels s'y répandirent en abondance. Sitôt qu'elle rétablit l'exactitude et l'uniformité des exercices, elle mit des officières propres à entretenir la régularité, les visites, les conversations et les correspondances inutiles furent interdites, et cela fit beaucoup de peine à bien des gens qui venaient s'amuser aux grilles avec les religieuses. Un gentilhomme des plus qualifiés, et depuis longtemps accoutumé à passer au parloir plusieurs heures dans des conversations peu édifiantes, fut fort irrité de ce changement. Il vint souvent au monastère, et voyant qu'on lui répondait toujours de la part de la prieure, que la religieuse qu'il demandait était occupée, il s'emporta beaucoup contre la sainte, et voulut qu'on la lui fît venir à la grille. Il lui dit dans sa colère beaucoup de paroles outrageantes, qu'elle écouta sans rien répondre, et sans marquer la moindre impatience. Après qu'il eut achevé, elle s'anima de son zèle, et prenant un air grave et un ton haut, qu'elle savait prendre quand elle voulait, elle lui dit qu'elle le trouvait bien hardi de venir interrompre les épouses de Jésus-Christ dans leur solitude, et après qu'elle l'eût traité comme il le méritait, sans qu'il dît un mot, elle finit en lui annonçant que s'il paraissait davantage aux portes du monastère, pour y venir faire ses insolentes menaces, elle en écrirait au roi, et qu'il y allait de sa tête. Aussitôt il s'en alla tremblant, et ce qu'il dit aux autres de la fermeté de la prieure, les empêcha d'y revenir tout. Quand le gouverneur d'Avila eut appris la réforme du monastère de Incarnation, qui fut tout changé en si peu de temps, il rendit visite à Thérèse pour l'en remercier. Cependant, quoique cette administration exigeât d'elle beaucoup de vigilance et de soins, sans elle ne laissait pas de s'étendre dans tous les lieux qu'elle avait établis, et du fond de sa retraite elle les réglait tout. Elle fut même obligée, après 2 années de gouvernement, de se transporter par ordre du visiteur à Salamanque, où ses religieuses étaient dans quelques embarras, qui exigeaient sa présence. Un jour qu'elle y était en oraison, elle reçut une forte inspiration de Jésus-Christ, d'aller fonder un couvent à Ségovie. La chose lui paraissait impossible, parce que le visiteur voulait qu'elle revînt au plus tôt à l'incarnation où elle était nécessaire. Elle lui en écrivit néanmoins sans lui parler de son inspiration, et quoiqu'avant sa lettre il fût d'un sentiment contraire, il y consentit. Elle obtint la permission de l'évêque du lieu. Elle fit louer une maison, et prenant avec elle 4 religieuses, elle arriva à Ségovie la veille de l'établissement. Ainsi le monastère fut fondé le propre jour, et sous le litre de Saint-Joseph. La messe y fut célébrée, et l'on y posa le Saint-Sacrement le 19e mars de l'année 1571. L'évêque alors n'était pas dans la ville. Son grand vicaire, qui n'avait aucune connaissance de cette affaire, ne l'eut pas plus tôt su, qu'il en fut très irrité. Il se rendit en hâte au couvent, et réprimanda le prêtre qu'il trouva disant la messe. Julien d'Avila, l'inséparable compagnon de Thérèse, se cacha sous un escalier pour éviter sa fureur. Enfin il s'emporta contre le père Jean de la Croix, que la sainte avait amené, et s'il en eût eu le pouvoir, il aurait commandé qu'on l'enfermât. Il se contenta d'interdire le lieu, et envoya sur le champ un prêtre enlever le Saint-Sacrement. Thérèse alla conter cette aventure au père recteur des Jésuites, qui fut trouvé ce grand vicaire implacable. D'autres personnes de considération y furent aussi. Il s'apaisa un peu, mais il dit qu'il voulait qu'on lui produisît des témoins de cette permission obtenue de l'évêque. Dès qu'il les eut entendus, il se calma tout à fait, sans néanmoins permettre que le Saint-Sacrement fût remis. Thérèse, qui comprit que le retour de l'évêque consommerait le reste de cette affaire, ne songea plus qu'à remplir le nombre des religieuses de cette même maison, et dans ce dessein elle envoya Julien d'Avila et un autre prêtre de ses amis, pour ramener à Ségovie toutes les religieuses de Pastrane. Mais il faut expliquer ce qui obligea la sainte d'abandonner ce couvent. Le prince Ruy Gomez, duc de Pastrane, était mort à Madrid le 29 juillet de l'année précédente 1573. Il avait été assisté par le père Marian et le père Balthazar de Jésus, prieurs de Pastrane. La princesse d'Eboli, sa femme, parut excessivement affligée de cette mort, et ne consultant que l'impétuosité de son humeur, elle dit au père Marian qu'elle voulait se mettre en religion, et lui demanda l'habit de son ordre, pour exécuter sur le champ son dessein. Elle était dans une telle impatience, qu'on fut contraint de la revêtir d'un vieil habit de carmélite, qui se trouva par hasard, et qu'on lui donna pour satisfaire à son empressement, qui ne lui permettait pas d'attendre qu'on lui en fît un neuf. Elle ne consulta personne, elle ne régla rien des grandes affaires qu'elle avait, elle laissa ses biens et ses charges à l'abandon, et sans vouloir écouter rien que les caprices de sa ferveur indiscrète, elle partit de Madrid, suivie de tous ses équipages, et revêtue d'un habillement de carmélite assez bizarre. Le père Balthazar, qui avait assisté à la mort du prince Ruy Gomez, ne voulut point attendre la princesse pour venir avec elle dans son carrosse, et se rendit à pied à son couvent. Il vint aussitôt au Carmélite, et la mère prieure l'étant venue saluer, il lui dit qu'il lui apportait de bonnes nouvelles, et qu'il lui amenait pour Carmélite la duchesse de Pastrane, qui, voulant après la mort de son mari mourir au monde, portait déjà l'habit de l'ordre, mais que c'était tout de bon, et qu'elle témoignait assez par ses paroles et par ses actions la haine qu'elle avait du siècle, de sorte qu'il fallait espérer que cette princesse, devenue une grande sainte, donnerait beaucoup de crédit à leur réforme, et une réputation extraordinaire à ce couvent, où elle venait de se consacrer. Après que le père Balthazar eut achevé son récit le plus sérieusement qu'il put, « Quoi ? » La princesse religieuse s'écria la prieure. « Si cela est le monastère est perdu, néanmoins elle appela sa fille, et commanda qu'on mît toute la maison en bon ordre, et qu'on préparât deux lits, l'un pour la princesse, et l'autre pour sa mère qu'elle amenait avec elle. Elles arrivèrent à 8 heures du matin. Cette princesse, en changeant d'habit, n'avait pas changé d'humeur, ni renoncé à sa fierté, ni au désir de dominer. Elle tenait toujours au faste et à l'éclat, où sa grande naissance l'avait accoutumée. Elle avait toujours le même penchant pour les plaisirs et pour les commodités, et toutes les vivacités d'un amour propre qui n'a jamais trouvé de résistance. La prieure eut beaucoup à souffrir de ces bizarreries, parce qu'elle désirait des choses tout à fait incompatibles avec la vie pénitente d'une carmélite. Dès qu'elle fut entrée dans le couvent, on lui donna un autre habit, parce que celui qu'elle avait reçu du père Marian n'était ni assez propre, ni assez bien fait pour elle. Après qu'elle se fut un peu reposée, elle demanda que sur le champ on donnât l'habit à deux de ses demoiselles. La prieure répondit qu'il fallait auparavant avoir la permission des supérieurs. « Et qu'est-ce qu'ils ont à voir dans mon monastère ? » reprit-elle fièrement. On la pria d'attendre un peu. Ce retardement la choqua beaucoup, mais les supérieurs ayant donné permission, les demoiselles reçurent l'habit, et la princesse voulut être au milieu des deux. Quand on le leur donna, pour participer, dit-elle, aux bénédictions qu'elle recevait. Après la cérémonie, on la mena à une chambre avec sa mère, où on leur avait préparé à dîner, mais elle témoigna du dégoût pour toutes les viandes qu'on lui avait servies, et dit qu'elle voulait dîner au réfectoire. On lui présenta auprès de la prieure une place accommodée exprès pour elle, mais elle en parut avoir du mépris, et s'alla mettre à une des dernières de la communauté, sans jamais vouloir écouter rien de ce qu'on lui représenta, et conservant toujours, dans l'humiliation qu'elle choisissait, un esprit d'indépendance. La prieure, qui prévit bien tous les inconvénients attachés aux fantaisies d'une telle novice, offrit à cette princesse une partie du monastère, pour loger en son particulier, avec une porte de communication dans la clôture. Cet expédient parut bon à tout le monde, mais comme elle ne l'avait pas imaginé elle-même, elle ne l'accepta pas, et voulut demeurer dans le couvent. Le lendemain on fit l'enterrement du duc de Pastrane dans le monastère des Carmes réformés, où il avait choisi sa sépulture pour lui et pour ses descendants. L'évêque de Ségovie et d'autres personnes distinguées demandèrent ensuite à voir la princesse, et la prieure l'avertit de les aller recevoir à la grille de l'église. Cette restriction lui déplut, et elle voulut qu'ils entrassent dans le couvent, de sorte qu'elle fit ouvrir les portes de la clôture, non seulement pour eux, mais pour leurs officiers et leurs domestiques, malgré tout ce que purent lui remontrer les religieux et les religieuses, malgré même la honte qu'en avaient ces personnes, qui ne voulaient pas se présenter. Quelques jours après, elle demanda qu'on lui fît entrer deux de ses demoiselles séculières pour la servir, et il fallut bien le vouloir. La prieure, qui ne savait plus que faire, s'avisa d'en écrire à Thérèse, qui fit une lettre à cette princesse, où tous les égards et tous les ménagements dus à son rang étaient observés, tel qu'on la peut imaginer d'une personne aussi prudente et d'un aussi bon esprit. Elle en fut néanmoins offensée, et conçut un grand mépris pour la sainte. Tout lui déplaisait dans la maison, dès qu'on lui représentait quelque manquement, c'était la choquer, et elle le prenait au point d'honneur. Enfin la prieure, lasse d'un tel dérangement dans son monastère, fut la trouver avec deux de ses religieuses, et lui dit nettement que, si elle voulait continuer à vivre dans une indépendance qui faisait beaucoup de tort à leur régularité, elle supplierait la mère Thérèse de les retirer de Pastrane, et de les mettre dans une maison où elles pussent accomplir leurs règles. La princesse se tint tellement offensée de ce discours, qu'elle quitta la communauté, et s'alla renfermer dans un des ermitages du jardin, où elle voulut demeurer sans que les religieuses l'y servissent. La prieure lui envoya pourtant les deux novices qui avaient été à elle. Lorsque cette princesse se vit en toute liberté, elle commença à se former des exercices et une religion à sa fantaisie, et, pour se mettre en état de prendre part aux divertissements du monde, elle fit faire à son ermitage une porte au dehors, pour recevoir les compagnies et les visites qui la consolaient, disait-elle, beaucoup mieux de la perte de son mari, que n'avaient fait ces imbéciles religieuses. Ensuite, pour leur faire sentir son pouvoir de fondatrice, elle fit encore cesser le bâtiment de leur église et de leur couvent, et elle ôta même l'aumône que le prince son mari avait fondée pour leur nourriture, de sorte qu'elles se virent exposées à toutes les suites d'une extrême pauvreté. La princesse ennuyée de son ermitage, en sortit tout à fait, et se retira dans une maison de la ville, où elle porta toujours son habit de religieuse. Quand elle fut dans cette même maison, elle n'y vit plus tant de monde que dans son ermitage, et elle fit accommoder en chapelle une chambre du logis, où elle faisait à sa mode les exercices de carmélite. Ces divers inconvénients font assez connaître que l'établissement du monastère de ces carmélites n'avait point été le principal objet du voyage que Thérèse fit en ce lieu par inspiration divine, et que la conquête de Père Marian pour sa réforme en était la véritable cause. La sainte ayant donc jugé par tous ces événements bizarres, combien ses filles étaient mal à Pastrane, elle résolut de les en retirer, et leur envoya, comme nous avons dit, deux ecclésiastiques de confiance, avec des charrettes pour les amener à Ségovie. Lorsque les prêtres furent arrivés, l'un d'eux ôta le Saint-Sacrement, les religieuses sortirent au milieu de la nuit, et se rendirent où les charrettes les attendaient. Elles arrivèrent à Ségovie, et y furent reçues avec bien de la joie. La sainte y demeura 6 mois, et y rendit de grands services à toute la ville. Quelques filles de condition, touchées du désir de la retraite, se consacrèrent à Dieu dans ce monastère, que leur dot mirent en état d'avoir bientôt une maison bien fondée et bien bâtie. Les impressions que le mérite de Thérèse avait faites sur elles, ne contribuèrent pas peu à les déterminer. On sentait du penchant à suivre tout ce qu'elle conseillait, et ses avis étaient utiles aux personnes les plus respectables. On le voit par la manière dont elle écrivit alors à un grand seigneur, qui fut depuis archevêque d'Éborah, et par la lettre I au même seigneur, quand il fut devenu archevêque, et la lettre VI à Desanges d'Avila. Thérèse était encore alors prieure de l'incarnation d'Avila, et comme ses 3 années de gouvernement devaient bientôt expirer, elle partit, quoique avec peine, et laissa prieure à Ségovie celle qu'il avait été à Pastrane. À son arrivée, elle trouva les religieuses de l'incarnation dans un grand mouvement, pour tâcher d'obtenir qu'elle continuât d'être leur prieure. Elles ne purent cependant avoir ce qu'elles demandaient, et pleurèrent amèrement le départ de celle dont rentrée leur avait causé tant d'inquiétude. Elles firent même paraître tant d'attachement pour la sainte, que 3 années après, elles l'élurent pour leur prieur, et sollicitèrent les provinciaux, le visiteur, les puissances séculières, et même écrivirent au roi pour maintenir cette élection. Mais, à cette occasion, elles furent violemment persécutées par le père provincial des mitigés. On leur ôta les carmes déchaussés que la sainte leur avait donnés pour les conduire. Le père Jean de la Croix, qui en était un, fut mis dans une prison fort étroite. On réduisit ces religieuses au pain et à l'eau. On les excommunia même assez peu juridiquement. Thérèse fut comprise dans ces procédures ecclésiastiques, mais peu fondée, et, quoiqu'en se faisant professe de ce couvent, elle y eût apporté une dot considérable, qu'elle y laissa en passant à la réforme, on voulait néanmoins persuader qu'elle était étrangère dans cette maison. La sainte fut peu mortifiée pour lors de ce qui la regardait personnellement, mais elle fut très sensible aux persécutions de ses filles. Ainsi, lorsque ces 3 années de prière, dont nous parlons, furent expirées, il n'est pas surprenant qu'elle sentît quelque peine à les quitter. Elle s'en retourna donc au monastère de Saint-Joseph, où elle fut mise à la tête de ses chères filles avec une joie universelle et un consentement unanime. Pendant qu'elle était encore prieure de l'Incarnation, et durant le peu de séjour qu'elle avait fait à Salamanque, une demoiselle qui demeurait à Véa, sur les confins de l'Andalousie, lui avait écrit pour la presser instamment de s'y rendre, et d'y venir fonder un monastère. La chose avait paru à Thérèse très difficile, mais pour ne pas s'opposer à l'ordre qu'elle avait reçu de son général, qu'elle aimait fort à contenter, elle avait envoyé au père visiteur la lettre de ces demoiselles. Il lui avait fait réponse qu'il fallait consentir à de si pieux désirs, et qu'elle eut à répondre qu'elle partirait quand on aurait obtenu la permission de l'ordinaire. Le visiteur ne croyait pas qu'on l'a pu avoir, et peut-être n'eût-il pas consenti, s'il l'avait cru, mais cette permission fut accordée. Ainsi, quand la sainte fut affranchie de toutes les affaires qui l'avaient embarrassée, quand elle eut fait revenir les religieuses de Pastrane, établi celles de Ségovie, déposé le gouvernement de l'Incarnation, elle crut devoir suivre ce nouvel ouvrage. Cette demoiselle dont elle avait reçu une lettre à Salamanque, s'appelait Catherine de Sandoval, qui, durant sa jeunesse, et à l'âge de 15 ans, avait donné dans un tel excès de vanité, que jamais personne n'avait poussé plus loin les sentiments de l'orgueil. Sa naissance, sa fortune et son ambition l'avaient aveuglée, l'éclat de sa beauté avait ébloui son esprit, les applaudissements continuels de tout le monde lui avaient persuadé qu'elle était une créature d'un ordre au-dessus des autres. Elle s'abandonnait à la complaisance que lui causaient les services qu'on lui rendait, elle croyait tous les hommes obligés d'être idolâtres de sa personne, elle se félicitait sans cesse sur le triomphe de ses charmes, et sur l'indifférence qu'elle conservait à la vue des hommages qui lui venaient de toutes parts. Elle écoutait avec mépris toutes les propositions d'établissement que son père lui faisait, et quelques distinctions qu'il y eut dans les personnes, elle les trouvait indignes d'elle. Tandis qu'elle se livrait à l'égarement de ses pensées, un jour qu'elle était dans une chambre, elle regarda par hasard un crucifix, dont elle lut l'inscription, ensuite elle jeta les yeux sur le Christ, et cette vue fut accompagnée d'un rayon de grâce si vif et si perçant, qu'aussitôt toute sa vanité s'évanouit. Une lumière soudaine l'enflamma d'un violent amour pour le Sauveur. Elle conçut une forte idée de sa faiblesse, un désir ardent de souffrir, un profond mépris d'elle-même, et dans ce transport elle fut si touchée des avantages de l'obéissance, qu'elle eût volontiers souffert qu'on l'eût emmenée chez les morts, pourvu qu'elle y eût été soumise à la volonté d'autrui. Après que tous ces mouvements eurent pris tout à coup naissance dans son cœur, et l'eurent diversement agitée, elle dit, en jetant les yeux encore sur ce crucifix, « Vous voyez, Seigneur, que par mes larmes j'ai tâché de purifier mon cœur, gardez-le, je vous prie, mon divin maître, et ne me le rendez pas, je vous le consacre pour toujours. Depuis ce jour, elle s'imposa des règles et des heures pour prier, elle affligea son corps par les rigueurs de la pénitence, elle se mettait de l'eau sur le visage, qu'elle exposait ensuite au soleil pour se noircir le teint, et pendant 3 années donna des marques d'un très grand mépris du monde. En même temps que Dieu la toucha, il lui inspira l'envie de se faire religieuse, mais elle avait beau en demander le consentement à ses parents, ils le lui refusaient toujours. Elle continua de vivre dans les exercices de la mortification et de la retraite autant qu'elle put, et passait les nuits en prière, parce que durant le jour on ne lui en laissait pas la liberté. Souvent il arrivait qu'en se mettant en oraison à 10 heures du soir, elle y demeurait jusqu'au jour. Son père et sa mère moururent, et elle commença alors à songer à la fondation d'un monastère pour s'y retirer, mais peu après leur mort, elle fut attaquée d'une hydropisie, d'une fièvre éthique, d'une extrême chaleur de foie, d'un cancer qu'on ne put déraciner qu'avec le fer. Tous ces maux l'atteignirent au lit pendant 10 ans. Ses amis se moquaient de son projet de fondation et de son dessein de se faire religieuse. S'il plaisait à Dieu, leur répondit-elle, que je fusse guérie dans un mois, ne croiriez-vous pas qu'il approuve ce que je souhaite? Dès ce moment-là, elle commença d'instantes prières pour demander à Dieu, ou qu'il la guérit de ses maux, ou qu'il lui ôta les désirs de religion et de fondation. Avant que le mois fût passé, sa santé se rétablit parfaitement, et ce fut en ce temps qu'elle avait écrit à notre sainte, la lettre dont nous avons parlé. Thérèse, qui était informée de toute cette histoire, dit que c'était avec de telles âmes qu'elle aimait d'entrer en commerce. Elle partit aussitôt d'Avila, et passant par Tolède, elle prit quelques religieuses. Elle fut attaquée à Magalon d'une fièvre ardente, et ayant dit à Dieu dans sa prière, « Comment pourrais-je, Seigneur, supporter ce mal, et continuer mon chemin ?» Elle fut tout à fait guérie. Lorsque la sainte fut à Véa, la demoiselle dont nous nous avons parlé, se trouvait dans une santé robuste et constante, et son exemple avait persuadé à une sœur plus jeune qu'elle, de s'engager dans la même réforme. Thérèse et ses filles furent menées au logis des deux sœurs, solennellement en procession, par les prêtres revêtus de leur surplis avec la croix, et furent reçues avec toute la joie que pouvaient ressentir des personnes qui les souhaitaient depuis tant d'années. Le monastère fut établi le jour de Saint Mathias en 1571. L'aînée des deux sœurs désirait d'être mise au nombre des converses, mais Thérèse ne le voulut pas, et crut ne devoir pas manquer de donner à ses vertus tout l'éclat qu'elle méritait, en lui refusant ce qu'elle demandait.